La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. On retrouve dans tous les récits de ces rescapés de l'horreur des camps la même fin de raconter. Primo Levi, qui a survécu au camp nazi, a dit comment le cerveau, sous-alimenté, souffrait d'une faim spécifique que l'on peut rapprocher de la faim du ventre. Mais cette faim-là ne peut être calmée car il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est que de vivre dans un camp de concentration ou dans un goulag. C'est une expérience au-delà de toute humanité qui semble, à celui-même qui l'a décrit, proprement inimaginable. Et cela transparaît aussi chez les deux écrivains russes qui nous intéressent cette semaine. Nous nous penchons en effet sur deux écrivains du goulag, Solzhenitsyn d'abord, dont on a parlé en début de semaine, lundi pour raconter sa vie et mardi pour évoquer son œuvre, les deux étant évidemment étroitement liés. Demain, nous nous concentrerons sur l'œuvre de Varlam Chalamov, ce sera avec Claude Mouchard qui évoquera ce qu'elle a de poétique. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour commencer en racontant la vie de Varlam Chalamov, nous sommes avec Sophie Bénèche, qui a traduit en 2003 aux éditions Verdier l'intégrale des récits de la Colima. C'était avec Catherine Fournier et Luba Jorgensen. On lui doit également la traduction de Vichera, que Chalamov désigne comme son anti-roman, ainsi que de la quatrième Vologda, consacrée à sa ville natale. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. En un sens, vous pouvez considérer tout Solzhenitsyn comme un effort, un essai de réponse à Chalamov. Ouais. Chalamov, c'est l'horreur pure. Ouais. Si une fois dans votre vie, vous voulez savoir jusqu'où va l'inhumanité, une fois dans notre vie, il faut mettre en doute l'humanité, comme dirait Descartes, eh bien, lisez Chalamov. Et je crois que tout l'archipel du Goulag se comprend comme une réponse humaniste, religieuse, à quelque chose qui est au-delà de l'humain. Bonjour Sophie Bénèche. Bonjour. C'est assez glaçant ce que disait à l'instant André Glucksmann au micro de Jacques Duchâteau, c'était en 1987. Cette idée que Chalamov, par rapport à Solzhenitsyn, était au-delà de l'humain. Est-ce qu'il a raconté l'inhumain ? Oui, d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment très contente que cette émission, ces deux émissions soient consacrées à Chalamov, parce que c'est, avec Solzhenitsyn, je pense, les deux plus grands écrivains qui ont parlé des camps. Il y en a beaucoup d'autres, il y a eu beaucoup d'autres mémoires, mais... Vous voulez dire des camps en général. Enfin, des camps soviétiques, disons. Et malheureusement, Chalamov est toujours un peu dans l'ombre de Solzhenitsyn. Et donc, je suis vraiment heureuse que là, il soit à égalité, si je puis dire, avec lui. Pourquoi est-il dans l'ombre, d'après vous ? Alors, pour diverses raisons. D'abord, j'aimerais dire que c'est vraiment des hommes très différents sur divers plans. D'abord, ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Ils ont 10 ans d'écart. Ça veut dire que Chalamov est né avant la Révolution. Il avait une dizaine d'années en 1917 et il a assisté à la Révolution. Ça, c'est une première chose. Il est né en 1908. Il est né en 1907, Chalamov. Et il a grandi... Donc déjà, c'est pas tout à fait la même génération. Il a grandi dans le romantisme de la Révolution, mais de la Révolution, pas de la Révolution marxiste ni bolchevique, mais de tous les révolutionnaires qui ont lutté depuis des générations et toute la fin du 19e siècle contre l'autocratie. Donc il a grandi dans ce romantisme-là. Donc c'est un révolutionnaire, mais au sens romantique du terme. Et ensuite, ils ont eu donc ça c'est la première chose, c'est pas la même formation, la même génération. Ensuite, leur expérience des camps n'est pas la même non plus, puisque, je vous cite Solzhenitsyn, il a dit, l'expérience carcérale de Chalamov fut plus amère et plus longue que la mienne. Et je reconnais avec respect que c'est à lui, et non à moi, qu'il ait eu de toucher ce fond de sauvagerie et de désespoir vers lequel nous tirait tout le quotidien des camps. Donc, Solzhenitsyn a reconnu lui-même que l'expérience de Chalamov a été beaucoup plus difficile. Leur destin À la fois humain et le destin de leur œuvre sont aussi très différents. Son destin humain, Solzhenitsyn a été reconnu, publié. Prix Nobel. Chalamov est mort dans la misère, à moitié fou, en croyant qu'il était revenu en camp. Enfin, il a jamais été publié de son vivant. Ou s'il a été publié un petit peu en Occident, c'était de façon tronquée. Ça lui a valu beaucoup de déboires, j'en parlerai tout à l'heure. Donc leur destin de l'homme et de l'œuvre sont différents. Ensuite, leur attitude envers l'expérience du goulag, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que l'archipel du goulag est un peu une réponse au récit de la Kalima. Oui, leur attitude envers l'expérience des camps est différente. Chalamov a une phrase lapidaire qui répète tout le temps, c'est « le camp est une école négative de la première à la dernière heure ». C'est-à-dire que Solzhenitsyn, comme on l'a vu, il en tire une richesse de son expérience. Chalamov, non. Il dit que de toute façon, c'est négatif. Ça vous semble très important, du coup, de le réhabiliter. On sent ça un petit peu dans. Ah oui, dans ce d'abord que vous parce dites. Que, ça me fait mal pour lui de penser qu'il a. Parce que c'est un très grand de penser que son destin d'écrivain et d'homme a été aussi est aussi dramatique et aussi. Le rapport, c'est un grand écrivain, Chalamov. C'est un comme Solzhenitsyn. Oui. Depuis son enfance, hein, il a écrit. Je vous le cite, hein, parce que je préfère toujours citer plutôt que de parler moi, de citer quand je parle d'écrivain. J'écris des vers depuis mon enfance et dans mon adolescence, je voulais être Shakespeare ou au moins Lermontov. Et j'étais sûre d'avoir les forces qu'il faut pour cela. C'est-à-dire depuis l'âge de 9-8 ans, il voulait être un écrivain. C'était son but dans la vie et il aurait été un écrivain, je pense, même sans les camps. Hein. Oui, je crois qu'on peut revenir sur ce que disait André Glucksmann quand même dans cette archive. Il faisait en effet cette comparaison avec Solzhenitsyn, mais il y avait aussi cette idée que Chalamov, donc plus que Solzhenitsyn, allait au-delà de l'humain. Luba Jorgensen, que vous connaissez bien, dit quant à elle dans sa préface au récit de la Kolyma que les héros de Chalamov sont au bord du non-être. Donc ce sont des termes qui sont à chaque fois extrêmement forts, extrêmement puissants. Oui, parce que en fait, Chalamov, de par son expérience, hein, parce qu'il a vraiment été quasiment passé de l'autre côté, puisque dans ses récits, on a l'impression qu'il fait parler les morts. Il est comme passé de l'autre côté de la frontière, Et lui n'en est jamais revenu, contrairement à Solzhenitsyn. Oui, mais du point de vue littéraire, il essaye de trouver dans quelle langue on peut exprimer ce qui est inexprimable, puisque quand on l'a vécu, on avait 20 mots de vocabulaire. Donc comment on peut, c'est impossible avec ces 20 mots de rendre, comment on peut exprimer quelque chose qui était vécu au-delà des mots? Comment on peut l'exprimer par des mots? Et, c'est pour ça que, du point de vue littéraire, Chalamov, il a essayé, bon, il voulait témoigner, hein, puisqu'il a dit lui-même, chacun de mes récits est une gifle au stalinisme. Mais c'était beaucoup plus que cela. Il voulait, pareil, je vais vous lire, hein, je vais vous citer une petite citation, hein, je vais vous citer Chalamov lui-même. La première raison d'être des récits de Kalima pour l'auteur, c'est une nouvelle prose russe. La deuxième, non moins essentielle, ces récits représentent l'homme dans des conditions exceptionnelles, alors que tout le négatif est mis à nu sans retenue, aidé par des facteurs nouveaux d'une espèce particulièrement négative. Ça, c'est dans sa correspondance. Je vois précisément dans le thème des camps une façon de faire entendre, de faire reconnaître et de témoigner de la principale tragédie de notre temps. Et cette tragédie, c'est comment des hommes instruits pendant des générations par une littérature humaniste ont-ils pu aboutir avec un total succès à Auschwitz ou à la Kalima? Alors ça, c'est évidemment la grande question que posent ces textes. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la biographie de Chalamov, parce que c'est évidemment très très lié à son œuvre, même si par ailleurs il est écrivain au-delà de son expérience du goulag. Il faut quand même commencer, je crois, par raconter cette ville de Vologda, qui est la ville où est né Chalamov, et qui est déjà un lieu de relégation bien avant même l'époque communiste. Ça fait des siècles qu'on relègue à Vologda, si l'on peut dire. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du romantisme révolutionnaire dans lequel a grandi Varlam Chalamov. En fait, oui, comme vous dites, il est né à Vologda. C'est d'ailleurs de là que lui vient son prénom, Varlam, parce que Varlaam, il a supprimé un A, est le saint protecteur de Vologda. Et son père était prêtre. Il est le saint petit dernier d'une famille de 5 enfants. Son père était un prêtre qui a été missionné sur les îles aléoutiennes, qui est revenu avant sa naissance. Donc 1905. Chalamov est né à Vologda. Et donc Vologda, comme vous l'avez dit, était une ville où étaient envoyés en relégation beaucoup de prisonniers politiques de l'époque tsariste, qui fait que c'était une ville extrêmement bouillonnante d'idées. Parce que la relégation et l'incarcération à l'époque tsariste n'étaient pas la même chose qu'à l'époque soviétique. Et Chalamov a écrit un livre qui s'appelle « La quatrième Vologda », du nom de cette ville natale. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il est tout naturel que mon père, un chaman et un fils de chaman, devenu un homme de culture européenne après 12 ans de service à l'étranger, soit revenu non dans la première Vologda, dont sa famille était originaire, ni dans la deuxième, la Vologda historique au nom de laquelle on lui avait appris à parler, mais dans la troisième, celle du mouvement de libération. C'est dans cette troisième Vologda que mon père a débarqué avec tous ses contacts, ses centres d'intérêt, ses relations et ses idéaux, à son retour d'Amérique, en 1905, 2 ans avant ma naissance. Le projet même de ma naissance est le fait d'un homme différent du prêtre qui était parti pour les îles Aléoutiennes au siècle précédent. Je n'ai pas été une expérience de mon père, j'ai été une mise, un pion dans son jeu. Il ne savait pas jouer aux échecs, sinon j'aurais utilisé une autre comparaison. Dans une partie qui ne devait rien au hasard, mais qui était calculée, réfléchie, raisonnable et gagnée d'avance. La compagnie des auteurs et cette lecture par Nicolas Racca. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce court extrait, notamment sur le rapport entre le père et le fils. Mais d'abord, qu'est-ce que ça signifie, Sophie Bénèche, ce titre de quatrième Vologda? Ben c'est sa Vologda à lui, c'est celle de son enfance. C'est pas la Vologda historique, c'est pas la Vologda géographique, c'est ni celle pourtant très importante des relégués. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est une ville dans laquelle il y avait énormément de conférences, de théâtres, une vie intellectuelle extrêmement bouillonnante, quoi. Et auquel le père de Chalamov participait, il écoutait, et le petit Chalamov aussi, parce qu'il faut préciser que Chalamov, à mon avis, c'était un surdoué. Hein. Il a un de ses textes qui commence par « Je ne me souviens pas avoir appris à lire ». Il faisait partie des enfants qui, à 3 ans, savent lire, on ne sait pas trop comment ils ont appris, et un très très grand lecteur. Donc il a lu énormément, et il avait une mémoire, même enfant, il raconte dans la quatrième Vologda comment il savait par cœur tous les livres qu'il avait lus. Il suffisait de lire, il avait une lecture rapide, photographique, où il lisait une demi-page, il photographiait. Et son père même, il raconte, il y a un passage où il raconte comment son père ne croyait pas à ça. Il lui avait dit, mais comment ça se fait, tu as lu ce livre-là, c'est pas vrai, je veux pas te croire, t'as été trop vite. Et il lui a raconté en détail le livre. Et le père a été tellement vexé, si je puis dire, de s'être trompé, qu'il lui a dit « Mais de toute façon, tu n'as pas compris. Tu le connais, mais tu l'as pas compris. » Mais ça, on le comprend très bien à la lecture de la quatrième Vologda, quand en effet, entre le père et le fils, il y a une espèce de distance infranchissable. Ouais, c'est-à-dire que oui, c'était un rebelle par rapport à son père. Et puis, je pense qu'il n'appréciait pas du tout la manière dont son père traitait sa mère aussi. Sa mère, dont il dit qu'il ne l'a jamais vue belle. Parce que sa mère a beaucoup travaillé, parce que il faut expliquer aussi que si cette famille Chalamov a pu au départ vivre dans une certaine opulence, Elle n'était pas vraiment, c'était une petite aisance, petite quand même. Bourgeoisie. Et je rappelle que son père était prêtre, et que les prêtres orthodoxes se sont mariés, donc qu'il avait des enfants. Et justement, d'ailleurs, il n'avait pas une vie très très opulente, si je puis dire, et ils ont été parmi les premiers à souffrir de la Révolution, puisque faisant partie du clergé. Donc ils se sont retrouvés finalement à vivre à 6 dans une seule pièce. Comme il était le petit dernier, la plupart des autres enfants étaient déjà partis, donc il s'est retrouvé avec ses parents dans la misère, et il a assisté à des scènes de pillage. Et je voudrais vous lire aussi là un petit passage, parce Allez-y. Que... Ça aussi, ça l'a marqué, la Révolution telle qu'il l'a vue, telle qu'il l'a vécue, ne correspond pas à la Révolution romantique telle que la présentaient tous les intellectuels avec lesquels il était d'accord, puisqu'il a dit « Un torrent de passion véritablement populaire et paysanne se déchaînait sur terre, et il n'y avait pas moyen de s'en protéger. Ce fut le clergé qui subit le choc le plus rude dans ce déferlement de passion populaire bestiale. Qu'on ne vienne pas me chanter les louanges du peuple, ni celles de la paysannerie, je sais ce que c'est. » Donc il a assisté à des scènes de pillage, ils sont retrouvés relégués dans une pièce de leur appartement, et étant donné qu'il était un fils de prêtre, donc faisait partie d'une couche sociale qui n'était pas en odeur de sainteté, si je puis dire, il n'a pas eu le droit de faire des études à Vologda, Et il est parti à Moscou dans les années 23-24. Il est parti l'année de la mort de Staline en 24. Ah non, de Lénine, évidemment. Il est parti à Moscou, il a travaillé en usine et il a réussi quand même à passer les examens pour entrer en faculté de droit à Moscou. Et là, de 23-24 à 29, la date de sa première arrestation, il a fréquenté énormément les milieux littéraires de Moscou. Alors, sa première arrestation, on va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on écoute, pour commencer, un extrait des récits de la Colima, qui raconte comment tout a commencé. Comment tout a commencé? La brigade de Kleyuyev fut maintenue au travail. Un cas sans précédent. Le front de taille fut encerclé par l'escorte. Ce chantier, c'était une carrière, une énorme fosse autour de laquelle l'escorte prit place. L'intérieur de la fosse grouillait d'hommes qui s'efforçaient de travailler vite, se pressaient mutuellement. Les uns secrètement inquiets, les autres avec la ferme conviction que cette journée, cette soirée était une exception. L'aube viendrait, le jour se lèverait, tout se disperserait, s'éclaircirait et la vie reprendrait son train-train. Une vie de camp, sans doute, mais une vie tout de même. Maintien au travail. Pourquoi? Tant que la norme du jour n'aurait pas été remplie. Une neige molle et sèche, soulevée par la tempête, cinglait les joues comme du sable avec un bruit strident. Dans les jets de lumière triangulaire des Jupiter qui éclairaient les chantiers la nuit, la neige tourbillonnait comme de la poussière dans un rayon de soleil. Comme la poussière dans le rayon de soleil près de la porte du hangar de mon père. Mais dans mon enfance, tout était petit, chaleureux et vivant, alors qu'ici, c'était énorme, froid et menaçant. On entendait grincer les grandes caisses en bois qui servaient à emporter la terre au terril. Quatre hommes empoignaient chaque caisse, la poussaient, la tiraient, la faisaient glisser, lui donnaient de grands coups et la traînaient jusqu'au bord du front de taille. Ils la faisaient pivoter et la retournaient, déversant les pierres gelées dans le ravin. Les pierres dégringolaient avec un bruit sourd. Voilà Kroupiansky, Neyman et le chef de brigade lui-même, Kleyuyev. Tous se dépêchent, mais ce travail est sans fin. Il est près de 11h du soir. Le signal annonçant la fin du labeur a retenti à 5h. La sirène du gisement a résonné, hurlé à 5h. Or, ce n'est qu'à 11h que la brigade rentre à la maison, c'est-à-dire à la baraque. Demain, à 5h du matin, il y aura le lever. Une nouvelle journée de travail et une nouvelle norme à remplir. Un extrait lu par Pierre-Marie Baudouin qui décrit le quotidien des zecs à la Colima. On va y revenir sur ce quotidien parce que ce n'est pas à la Colima qu'il va être envoyé d'abord, Sophie Benesch, mais à Vichera. Il est arrêté en 1929, je crois le 19 février 1929. Oui, pourquoi et dans quelles circonstances? En fait, il est arrêté, comme je vous ai dit, il participait beaucoup à des groupes, il allait à des conférences, il participait à des groupes liés à la littérature. Il s'occupait de l'imprimerie clandestine. Et également, il faisait partie d'un groupe de... Disons, c'était comme vous, disiez, comme vous avez dit, après la mort, c'est la mort de Lénine, et donc commence la lutte pour qui va prendre la suite de Lénine. Et il y avait ce qu'on appelait le testament de Lénine, qui était une lettre de Lénine dans laquelle ce dernier émettait des doutes sur Staline, en disant que c'était pas à lui qu'il fallait confier le pouvoir. Et le groupe auquel appartenait Chalamov diffusait ce testament. Donc dès le début, il est rentré dans la rébellion contre Staline, si je puis dire. Donc il a été arrêté avec il a été condamné à 3 ans, il a été arrêté donc en février 29, il a été condamné à 3 ans et il s'est retrouvé, je vais vous lire un petit passage parce que il raconte ce qu'il a ressenti lorsqu'il a été arrêté et c'est ce qui vous prouve bien, il va bien vous prouver son romantisme aussi de révolutionnaire. J'ai été arrêté le 19 février 1929 et je considère ce jour et cette heure comme le début de ma vie sociale, ma première véritable épreuve dans des conditions très rudes. Il m'était donné d'éprouver mes véritables qualité morale. Et il dit ensuite que un intellectuel russe, l'intelligentsia russe n'existe pas sans la prison. Donc c'était comme une épreuve que tout intellectuel russe devait, par laquelle tout intellectuel russe devait passer, dont lui, c'était ça. Donc il s'est retrouvé à ce camp. Mais ce romantisme, pardonnez-moi, on le retrouve chez beaucoup personnes qui ensuite ont été des déçus, plus que des déçus du communisme. Jusqu'à quand est-ce qu'il va le garder? Il a été arrêté par les soviétiques, parmi les anciens communistes, enfin tous ceux qui ont été ensuite réprimés par Staline, on trouve pas ça. C'est une réaction de révolutionnaire d'avant le coup d'État bolchevique. Hein, il s'est retrouvé dans ce camp et le camp de Vichera était beaucoup moins dur que ce qu'il a connu par la suite à la Kalima. Mais c'est extrêmement intéressant, un témoignage extrêmement intéressant parce que c'est la période pendant laquelle justement va être instauré le système de l'exploitation du travail dans les camps. Parce qu'au départ, les camps soviétiques étaient des camps de rééducation. Ils n'étaient pas faits pour faire travailler les détenus. Et c'est justement au moment 29, c'est le grand tournant, c'est la collectivisation et c'est le début du premier plan quinquennal et l'industrialisation de la Russie. Et on s'aperçoit qu'en fait, pour travailler sur ces grands chantiers, la main d'œuvre aux détenus est très commode parce qu'elle coûte rien. Et il raconte dans Vichera en fait comment petit à petit tout cela s'est mis en place. C'est aussi là, c'est la mise en place de l'exploitation économique du goulag, si je puis dire, ce qu'on n'appelait pas encore le goulag, du travail des détenus. La mise en place aussi de ce qu'on appelle l'échelle alimentaire, c'est-à-dire la ration dépend du travail qu'on a. Est-ce que déjà à cette époque-là, le pouvoir considère que de toute façon, les détenus constituent un matériel économique? Et donc, on sait très bien que ce matériel-là a de fortes chances de mourir, de disparaître. Je pense pas vraiment, je suis pas une spécialiste, mais à ce moment-là, c'est plutôt la mise en place. C'est-à-dire, ils sont en train de mettre ça en place. Ça part pas d'un principe au départ, hein. Ça s'est fait, justement, il le montre très bien dans cet anti-roman, Vichera. Parce qu'à l'époque, il n'était pas, il avait déjà un poste, il travaillait pas c'était pas aussi dur que la Kalima. Il était petit chef partant organiser le travail d'autres détenus, comme il l'écrira justement par une fois, dans ce livre. Il dit, ici on procédait à une grande expérience de pourriture des âmes humaines. Expérience qui fut ensuite appliquée à l'échelle du pays et aboutit au sang de l'année 1937. C'est précisément à cet endroit et à cette époque qu'on expérimenta pour la première fois un nouveau système de camp. L'autosurveillance, surveillance par des droits communs, la rééducation refonte, la nourriture en fonction de la production, le décompte des journées de travail en fonction des résultats obtenus au travail. En fait, ça n'existait pas avant au camp des Solovski, ça. Premier camp fondé par Lénine. Mais c'est... Et d'ailleurs, un de ses chefs à la Vichera sera chargé de mettre en place ce qu'on appelait le Dalstroy, c'est-à-dire le grand chantier de la Kalima. Et il refusera de partir avec lui, parce que cet homme qui s'appelle Berzin va lui proposer de partir avec lui à la Kalima, et il va répondre non, je ne verrai à la Kalima, je n'irai que contraint et forcé, je n'irai pas là-bas de mon plein gré. Alors, il devient un témoin, et vous l'expliquez très bien, de la logique finalement du système du goulag. Il faut dire que le goulag, c'est un acronyme qui signifie administration principale des camps. Ouais, direction générale, direction principale des camps. Ouais. Alors il reste 3 ans dans les camps de Solovki et puis c'est là qu'il fait la connaissance de sa femme, qui va même divorcer pour lui, Sophie Benache. Mm-hmm. Tout à fait, oui. Apparemment c'était un coup de foudre. Donc il se marie de 31 à 37, c'est-à-dire pas très longtemps en fait, 6 ans. Donc il se retrouve à Moscou, il commence à travailler pour des revues, il publie quelques récits, il écrit beaucoup, sa fille naît, et il est arrêté pour en janvier 37, pour activité contre-révolutionnaire trotskiste. Alors est-ce que là, il y a une réalité, un fondement à cette arrestation, ou est-ce que c'est totalement imaginaire comme acte d'accusation? Bon, j'imagine que l'activité politique qu'il a eue avant 29 a permis de d'étayer cette accusation, mais il a été arrêté comme des millions de gens pour rien. Oui. Il est donc marié, père d'une petite fille, il a publié quelques récits, et le voilà donc retournant pour 5 ans officiellement au bagne, à la Kolyma. Donc là, on est dans une autre région de la Russie. D'abord, c'est le contingent des gens arrêtés n'est pas le même, parce que ils se retrouvent avec beaucoup de communistes, en fait, puisque c'est 37, c'est l'année des purges, donc c'est, ils se retrouvent. Et je précise qu'il a comme accusation ce qu'on appelle KRTD, c'est-à-dire activité contre-révolutionnaire trotskiste. Et le mot trotskiste est extrêmement important, puisque c'est les trotskistes que Staline va exterminer avant tout, enfin entre autres, mais encore plus que les autres, si je puis dire. Ouais. Alors là, évidemment, c'est sa période où il est, dit-il, transformé en crevard, c'est le mot qu'il utilise dans les récits de la Kolyma, parce que vivre à la Kolyma, c'est déjà être un peu mort, c'est déjà renoncer aux sentiments humains. C'est-à-dire, il se retrouve effectivement sur les chantiers des mines d'or, qui sont parmi bon, déjà la Kolyma en soi, tous les chantiers sur la Kolyma, comme déjà rien qu'avec le froid. Les conditions matérielles sont extrêmement dures, mais les chantiers, je veux dire, les mines d'or, c'est parmi ce qu'il y a de plus difficile. Inhumain et de plus difficile. Oui. Et il y a évidemment la question de l'égoïsme, la question du péché, du meurtre, qui est consubstantielle avec les conditions terribles dans lesquelles les détenus sont gardés. Et là, on tord non seulement le physique, mais aussi, bien évidemment, l'âme, si l'on peut dire, le moral de ces détenus. En fait, Chalamov dit que dès sa première arrestation, il s'était déjà fixé des règles pour survivre dans ce monde. Et entre autres, il avait comme règle ne rien demander aux autorités, ne chercher aucune aide ni morale ni matérielle auprès de qui que ce soit, ne pas être un dénonciateur, un mouchard, et me comporter de la même façon envers tous, qu'ils soient en haut ou en bas de l'échelle, n'avoir peur de rien ni de personne, ne demander à personne de me faire confiance et ne faire confiance à personne. Pour le reste, m'en remettre à mon intuition et à ma conscience. Et il a dit plusieurs fois que au moins, il n'avait jamais trahi personne et jamais dénoncé personne. Alors, ce qui va le sauver de la mort, parce qu'il y a évidemment énormément de fusillés dans ces camps, c'est son écriture. Il a une écriture calligraphique. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi ça va peut-être... Le problème, c'est les pérégrinations de Chalamov à la Kolyma sont en zigzag. Donc, il est envoyé aux mines d'or. Ensuite, il a un travail un peu plus facile, mais comme la vie d'un prisonnier là-bas, d'un détenu, et on ne peut pas savoir à quoi s'attendre le lendemain, il se retrouve dans une espèce de planque un peu plus facile. Ensuite, il se retrouve de nouveau aux mines d'or. Ensuite, il est envoyé au cachot. Ensuite, il est envoyé dans un camp spécial. Et il fait une petite séjour à l'hôpital. Il est renvoyé. Donc, c'est jusqu'en 43, 44, il passe vraiment. Oui, c'est ça. Jusqu'en même 43, on peut pas dire qu'il est sauvé par. À chaque fois, il replonge. Enfin, il est un petit peu sauvé dans le sens où il y a un juge d'instruction qui lui fait transcrire des documents et donc qui va par un coup du destin, disons, d'éviter d'être fusillé. S'il peut rester quelques semaines à manger plus correctement et un peu au chaud, ça va lui permettre de survivre les mois suivants. Ce qu'il y a, c'est que il a été condamné à 5 ans, ça veut dire en 42, sa peine arrive à la fin. Et comme ça s'est passé pour tous les détenus soviétiques, c'était au milieu de la guerre, enfin l'URSS était en guerre, donc on a décidé que tous les détenus resteraient emprisonnés jusqu'à la fin de la guerre. Donc leur peine était reconduite, donc tous ceux qui pensaient sortir se sont retrouvés. Et même jusqu'à après la fin de la guerre, jusqu'en 1951. Et même après 1951, quand il est officiellement libéré, il est encore... Parce qu'en fait, il s'est retrouvé, donc sa peine a été prolongée en principe jusqu'à la fin de la guerre. Il s'est retrouvé dans un camp disciplinaire. Et en 1943, il a reçu une nouvelle condamnation. Il a été dénoncé par deux mouchards, entre autres pour avoir soutenu que Ivan Bounine, qui est un écrivain russe qui a reçu le prix Nobel aussi, qui vit en immigration, est un grand écrivain russe. Et c'était une des raisons de sa nouvelle condamnation. Et là, il a été de nouveau condamné. Mais comme, pour des raisons qu'il faut lire dans ses récits, mais il s'est trouvé que quelqu'un, en recopiant son dossier, a sauté la lettre, je vous ai dit tout à l'heure que sa condamnation c'était KRTD, activité contre-révolutionnaire trotskiste. Elle s'est arrangée pour laisser passer le T, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec juste activité contre-révolutionnaire, qui était une condamnation moins dure, parce que tous ceux qui avaient le T dans leur, sur leur dossier étaient voués aux travaux les pires. Et carrément à l'extermination. Donc on va continuer de raconter cette histoire avec vous, Sophie Bénèche, juste après la chronique de Michel Crépu. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel. Bonjour. Chalamov, tout comme Solzhenitsyn d'ailleurs j'imagine, est un écrivain qui vous a beaucoup marqué. Oui, qui a plus que ça, même ça, en fait, déterminé ma vie professionnelle, en tout cas, au moins professionnelle. Et en écoutant... Pour quelle raison ? Parce que j'ai été, à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais étudiant et l'archipel du Goulag m'est tombé sur la tête. Et ça a tout changé. Enfin, ça a décidé de beaucoup de choses, de mon désir de m'investir dans l'écriture, de tout ça. Mais en écoutant Sophie Bénèche, je me souvenais de cette première page. Je crois même que c'est le premier paragraphe de l'archipel quand Solzhenitsyn dit s'il y en a un qui peut avoir un droit de regard, un jugement sur mon travail, c'est Chalamov. Mm-hmm. Il lui reconnaît ce titre d'autorité sans discussion. Alors vous venez nous parler aujourd'hui du sommaire de la NRF, c'est le numéro 634, celui du mois de janvier. Et on lit notamment un texte de Christian Bobin, accompagné d'ailleurs d'un entretien que vous avez réalisé, Michel. Oui, c'était très intéressant ce petit travail avec Bobin, écrivain que je ne connaissais pas très bien, je dois dire, et qui a proposé à la revue une sorte de journal de bord d'impressions poétiques centré autour de l'abbaye de Conques, qui est une façon évidemment pour Bobin de poursuivre un travail de méditation sur ce qu'il en est d'une vie intérieure aujourd'hui, ce qu'il peut en être d'une vie spirituelle, sans tomber dans les ornières attendues naturellement, ce genre d'exercice. Et je trouve qu'il s'en est très très bien tiré en fait. Et pour moi, c'était, je dirais pas une surprise, parce que ça serait désobligeant vis-à-vis de Bobin, mais en tout cas, une vraie découverte. Et ensuite, il vous a parlé dans cet entretien, notamment de ses influences littéraires. C'est l'occasion d'aller plus loin avec lui. Oui. C'est aussi un auteur dont les lectures, justement, sont surprenantes. Il ne correspond pas au type qu'on s'attendrait à trouver devant ce type de d'écriture, de relation à la poésie. C'est très, très curieux, très intéressant. Alors, on lit également dans la NRF des souvenirs inédits du regretté Roger Grenier. Alors oui, en fait, ce sont pas des souvenirs, ce sont des nouvelles, trois petites nouvelles qu'il a laissées avant de mourir et qui sont très étonnantes parce qu'elles révèlent que Roger Grenier avait un vrai talent, j'allais dire, de miniaturiste de la nouvelle. Et de la chute aussi. Et de la chute. Il y a un texte parmi les trois, on en a retenu trois, on aurait pu en prendre d'autres. Mais il y en a un qui est très étonnant, qui met en scène trois copains qui vont être happés par la guerre. Et en 15 lignes, on a un ensemble. C'est d'ailleurs pas sans rapport d'une certaine façon avec Chalamov, parce que Chalamov a aussi un génie de la concision, de la concentration des choses. Je ne pousse pas plus loin la comparaison avec Roger Grenier, mais quand même, comment dire beaucoup de choses avec le moins? Et Grenier, pour ça, était... on peut dire un élève de Tchekhov. Et on s'en rend compte qu'il admirait infiniment. En lisant la dernière livraison de la Nouvelle Revue Française. Merci. Merci Michel Crépu. C'est tout moi. Cela et bien d'autres choses à retrouver dans votre revue. Et c'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de l'écrivain russe Varlam Chalamov, auteur de ces extraits de la Colima, dont voici un nouvel extrait, toujours lu par Pierre-Marie Baudouin. Le radio à moitié ivre ouvrit tout grand ma porte. Un message pour toi de la direction. Passe me voir à ma piole. Et il disparut dans la neige au milieu de la brume. Un message de la direction. Un télégramme. Un radiogramme ou une dépêche téléphonée à mon nom. C'était mon premier télégramme en 15 ans. Stupéfiant, alarmant, comme à la campagne où le moindre télégramme est toujours tragique, annonce la mort. Une convocation pour ma libération? Non, pour cela on ne se hâtait pas. D'ailleurs, j'avais été libéré depuis longtemps. J'allais chez le radio, dans sa forteresse, au central avec ses meurtrières, sa triple palissade, son triple portillon fermé par des loquets et des verrous que sa femme ouvrit à mon arrivée. Le radio me tendit une pile de papiers tous identiques, comme un perroquet qui m'aurait prédit ma bonne aventure. Je fouillai dans les télégrammes, mais je n'y compris rien. Je ne trouvais pas le mien et, du bout des doigts, avec condescendance, le radio retira de la pile le papier qui me concernait. « Venez l'être ». C'est-à-dire « venez chercher la lettre ». Les liaisons postales faisaient des économies de sens, mais le destinataire, bien entendu, devait comprendre de quoi il s'agissait. J'allais voir le chef du district et lui montrer le télégramme. « C'est à combien de kilomètres ?»« 500 ». Et cette lettre, Sophie Benesch, c'était une lettre de Boris Pasternak, le prix Nobel de littérature 1958. Alors, avant d'arriver à la lettre de Pasternak, je voudrais juste revenir à l'endroit où nous étions arrêtés, au moment où nous étions arrêtés tout à l'heure, c'est-à-dire il vient de recevoir sa nouvelle condamnation. Il est de nouveau envoyé dans les mines d'or et il fait il essaye de se faire admettre à l'hôpital parce qu'il va très très mal. Il est envoyé dans un camp disciplinaire, persécuté par un chef de brigade et il s'enfuit, si on peut s'enfuir là-bas, et il retourne là où il a été condamné, et il se retrouve au cachot disciplinaire, et il va être sauvé par des médecins, en fait. Il est admis à l'hôpital dans un état dramatique, et il fait la connaissance de médecins qui vont le pousser, d'abord qui vont l'aider à revivre, hein, qui vont le nourrir, et qui vont le pousser à suivre des cours d'aide-médecin. Mmh. C'est-à-dire pas de médecin, mais de plus ou moins d'infirmier, si vous voulez, ou d'auxiliaire de médecine. Et il va se donner énormément de mal, parce que pour arriver à passer des examens, après tout ce qu'il a vécu, c'est une véritable épreuve. Et en même temps, c'est quand même et c'est le moyen horizon de survivre. Et à partir de ce moment-là, il se met à écrire, parce que je sais plus si c'est hier ou avant-hier, dans votre émission, on parlait de Solzhenitsyn qui écrivait dans les camps sur des petits bouts de papier. Chalamov, lui, pouvait pas écrire dans les camps parce que d'abord, il y avait pas de papier, il y avait pas de crayon, et puis il était incapable d'écrire, de rassembler comme je disais tout à l'heure, il avait 20 mots pour s'exprimer. Et là, justement, avec ses cours d'aide-médecin, il commence à renouer avec l'écriture et avant toute chose avec la poésie. Parce qu'il écrit sur les notices, par exemple, voilà, de médicaments. Il a quelqu'un qui lui a prêté, qui arrive à lui procurer du papier, donc il arrive à écrire sur des sortes de, je me sens que c'était du papier peint, enfin. Et il dit lui-même, quand on descend à ce point enfin, là où il est descendu, les premières choses, les choses les plus importantes, c'est la faim, le plaisir de manger, le plaisir d'uriner et de déféquer, le plaisir, la chaleur, et avant les femmes, dit-il, revient la poésie. La mmh. poésie, et d'abord, elle lui revient sous forme de vers des autres, d'abord. Oui. C'est-à-dire, il retrouve, il y a un récit absolument extraordinaire qui s'appelle Les Nuits Athéniennes, dans lequel il raconte qu'à plusieurs, ils se réunissent une fois par mois et qu'ils mettent en commun tous leurs souvenirs poétiques. Alors, chaque personne essaye de rassembler les souvenirs de poèmes qu'ils ont et de les mettre en commun pour faire une sorte d'anthologie. Et alors, à partir de quand va-t-il commencer à correspondre justement avec Pasteur? Alors, en fait, il est libéré en 51, donc avant la mort de Staline, mais il ne peut pas quitter la Kalima. Et donc, il est obligé de rester là-bas, de travailler dans un hôpital pour détenus, d'ailleurs, à la Kalima. Et donc, il correspond avec sa femme. Et il demande à sa femme il envoie un cahier de verre à sa femme et il lui demande de le porter à Pasternak. Et la lettre est sans espoir, enfin, juste comme ça, parce qu'il a une immense admiration pour Pasternak et parce que la poésie de Pasternak l'a, entre autres, aider à survivre, dit-il lui-même. Et sa femme apporte ce cahier de poèmes à Pasternak, et Pasternak lui envoie cette lettre qu'il va chercher à 500 kilomètres de l'endroit où il est aide-médecin, de l'hôpital dans lequel il travaille. Alors on parlera peut-être de la suite de la relation Pasternak-Chalamov, mais puisque vous évoquez la question de la littérature dans cet environnement du goulag, je voudrais entendre avec vous un nouvel extrait de ces récits de la Kolyma, toujours lu par Pierre-Marie Baudouin, où il est question, vous allez l'entendre, de Proust. Moi, un homme de la Kolyma, un Zeka, j'avais été transporté dans un monde perdu depuis longtemps, vers d'autres habitudes oubliées et inutiles. J'avais du temps pour lire. J'étais l'aide-médecin de garde de nuit. J'avais été terrassé par Guermante. C'est par Guermante, par le quatrième tome, que se fit mon initiation à Proust. On avait envoyé le livre à Kalitinsky, un aide-médecin de connaissance qui jouait les élégants dans la salle, vêtu d'un pantalon de golf en velours, la pipe à la bouche, exhalant partout l'improbable odeur du capstan. Le capstan et le pantalon de golf se trouvaient dans le même colis que du côté de Guermante de Proust. Ah, nos femmes, nos charmantes et naïves amies, au lieu d'un pantalon en grosse toile, un pantalon de golf en velours. Au lieu d'une large écharpe en poil de chameau pure laine de 2 mètres de long, quelque chose d'aérien, comme un ruban ou un papillon, une somptueuse écharpe de soie qui, lorsqu'on l'avait autour du cou, s'enroulait en une petite ficelle de l'épaisseur d'un crayon. Tout cela s'était passé 10 ans auparavant. Quel rapport avec « À la recherche du temps perdu » ? Kalitinsky et moi, nous évoquions notre univers à nous, notre temps perdu. Dans mon univers, les pantalons de golf n'existaient pas. Mais il y avait Proust, et j'étais heureux de lire du côté de Guermante. Je n'allais pas dormir au dortoir. Proust avait plus de valeur que le sommeil. Et puis, Kalitinsky me pressait. Le livre avait disparu. On avait volé le livre. La compagnie des auteurs sur France Culture. Que vous évoque cet extrait, Sophie Bénèche? En fait, ça me fait penser à un autre texte de Chalamov, qui a été publié sous le titre « Mes bibliothèques », dans lequel il raconte, justement, après des années dans les mines d'or, après avoir... il n'avait pas vu de livre pendant plusieurs années, et par hasard, il est tombé sur un livre, et il raconte, lui qui avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une faculté de lecture extraordinaire, qui lisait très très vite, il a ouvert le livre, il s'est aperçu qu'il ne savait plus lire. Et ça a été... il raconte cette impression qu'il ne comprenait plus, il n'arrivait plus à lire, et il raconte dans ce texte comment ensuite il a réappris petit à petit à lire. Et bon, là, il parle de Proust, mais plus tard, quand il, donc après être libéré, quand il aura pu rejoindre ce qu'on appelle le continent par rapport à la Kalima. Alors que ça n'est pas évidemment une île, mais c'est que c'est tellement loin de tout. Voilà, et quand il arrive à se retrouver donc pas très loin de Moscou, il essaye de combler le vide de ces 17 années où il n'a pas pu lire. Donc il va dans une bibliothèque et il raconte comment il essaye de lire tout ce qu'il n'a pas eu le temps de lire. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Et voilà, donc c'est... Alors, comment ça se passe précisément, ce retour sur le continent? C'est en 53-54, au moment aussi, je crois, de la mort de Staline, donc cette fois. Il revient à Moscou, où pourtant il est interdit de séjour. Il va revoir sa femme. Il rencontre Pasternak, cette fois-ci, en fait, chair et en os. Donc, il obtient l'autorisation de quitter la Kalima. Et bon, je vous raconte pas les détails, mais finalement, il est obligé de payer lui-même son trajet de retour. Quand on pense que l'État l'a envoyé là-bas et qu'il est obligé de dépenser toutes ses économies pour payer son billet de retour. Donc, il obtient l'autorisation de quitter la Kalima, mais pas de se réinstaller à Moscou. Il est obligé d'être il n'a pas le droit d'habiter dans les grandes villes, mais il repasse par Moscou où il retrouve sa femme qui, il faut le dire, l'a attendu quand même pendant tout ce temps-là. Enfin, l'a attendu. Elle a divorcé de manière à pouvoir revenir elle-même à Moscou, à ne plus être considérée comme, enfin, marqué le fait qu'elle se séparait de lui, mais elle lui a quand même écrit jusqu'à la fin et elle vient l'accueillir quand il revient à Moscou et malheureusement ça ne tiendra pas entre eux, mais elle l'accueille quand même à Moscou. Elle peut pas le loger chez elle de peur des voisins parce qu'il n'a pas le droit d'habiter à Moscou, donc il va habiter chez quelqu'un d'autre et pendant ces quelques jours qu'il passe à Moscou, il va voir Pasternak, il va rendre visite à Pasternak, et ensuite, comme il ne peut pas rester dans la capitale, il part dans la région de Kalinine, où il travaille dans une usine de tourbe. Alors il faut préciser aussi que non seulement il revoit son ex-femme, mais il revoit aussi sa fille, voilà. Et ça c'est assez douloureux. Oui, parce que sa mère l'a élevé dans... Enfin, elle lui a caché... Enfin, elle lui a caché plein de choses, comme beaucoup de soviétiques. Mais peut-être aussi pour son bien. Pas pour son bien à elle. Elle l'a élevée comme une bonne petite soviétique, ce qui fait que pour cette jeune fille, son père est un ennemi du peuple. Donc elle le renie et elle refuse de le voir. Donc il se sépare de sa femme et il n'a même pas l'occasion de connaître sa propre fille. Parce qu'elle lui suggère de tout oublier et de sa retrouver femme lui suggère de tout une oublier. Vie normale, ce qui est évidemment ce qu'ont fait beaucoup terrible. De gens, hein, ce qu'ont fait énormément de gens qui sont revenus des camps, puisque beaucoup de gens qui sont restés dans les camps assez longtemps, en fait n'en parlaient pas. Et il y en a quelques-uns. Et Chalamov, lui, bon d'abord en tant qu'écrivain, il voulait écrire, puis il voulait témoigner, quoi. Il ne voulait absolument pas oublier. C'était le début de son travail conscient de la mémoire, pour reprendre l'expression de Luba Jorgensen dans sa préface au récit de la Kolyma. Alors les récits de la Kolyma, justement, il va les commencer à ce moment-là. En fait, en 56, quand il y a eu le rapport Khrouchtchev et la déstalinisation, ce qu'on appelle le dégel, il a eu le droit de revenir à Moscou, de s'installer à Moscou. Et là, il a essayé de publier en particulier des poèmes. Il a essayé surtout de publier ses poèmes, puisque pour lui c'était extrêmement important, sa poésie. Et il écrivait aussi ses récits. Quelques-uns de ses poèmes sont parus dans des revues. Mais évidemment, les récits, je crois qu'il n'a même pas essayé. Si. En fait, quand il entre en relation avec beaucoup d'écrivains, avec Solzhenitsyn, avec Nadezhda Mandelstam aussi, avec lequel il a une correspondance. D'ailleurs, cette correspondance va paraître en avril chez Verdier. Elle est parue déjà une partie de la correspondance. Parue. Mais sa correspondance avec Pasternak est parue aussi chez Gallimard. Et il a des rapports avec l'intelligentsia. Mais il faut dire aussi qu'à partir de la fin des années 50, début des années 60, sa santé se détériore de plus en plus. Il perd l'équilibre, il devient aveugle, il devient sourd. Et il faut dire aussi que le fait de voir que ses récits ne sont pas publiés, que ses poèmes ne sont quasiment pas publiés, il devient assez amer. Et il a un caractère difficile, il se brouille avec pas mal de gens. En particulier avec Solzhenitsyn, d'ailleurs. Alors cette brouille justement avec Pasternak, comment est-ce qu'on l'explique, Sophie Benesch? On l'explique, elle est difficile à expliquer. Chalamov avait une attitude très négative au bout d'un certain temps envers Solzhenitsyn. Je pense que c'est explicable par diverses raisons. Avec Solzhenitsyn, vous dites? Parce qu'avec Pasternak aussi, hein, ça va pas tellement... Oui, en fait, oui, il est devenu assez misanthrope. Alors, je vais lui lire encore une petite citation, justement sur Solzhenitsyn, où il dit « Sur les problèmes de l'art, du rapport de l'art et de la vie, je suis en désaccord avec Solzhenitsyn. J'ai d'autres représentations, d'autres formules, d'autres canons, d'autres parrains et d'autres critères. Maître, goût, provenance du matériau, méthode de travail, conclusion, tout diffère. » Ça, c'est tiré de sa correspondance aussi. Donc, une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu participer à l'archipel du Goulag, c'était aussi parce qu'il voulait écrire son œuvre à lui. Il voulait pas être dans l'ombre de Solzhenitsyn. Ils avaient des caractères qui se correspondaient pas du tout. Vous savez, Chalamov, une de ses règles de vie, encore une fois, une autre citation, la règle de vie essentielle, celle qu'en 65 ans j'ai fini par adopter, est la suivante. L'homme n'a aucun droit d'enseigner à l'homme. Il ne le peut pas et ne le doit pas. Dans la mesure, c'est-à-dire qu'il ne veut donner de leçons à personne. Il ne juge pas. D'ailleurs, dans tous les récits de la Kalima, il n'y a aucun jugement. C'est uniquement, il raconte. Et voilà. Même les gens qui font les choses les pires, sauf ceux qui forcent les autres à travailler, tant qu'on n'est pas un dénonciateur, un mouchard et un assassin, personne ne peut juger la lâcheté des autres. Alors, il y a quand même un léger adoucissement dans cette fin de vie tout de même tragique, c'est qu'il se remarie. Oui, il s'est remarié, il s'est de nouveau séparé de sa femme. Il y a une page aussi extrêmement douloureuse, c'est en 1900. Ses récits donc ne sont jamais parus en Russie de son vivant, mais il circulait en samizdat, c'est-à-dire sous le manteau, clandestinement, photocopié, retapé. Et certains de ses récits sont passés en Occident, se sont retrouvés en Occident. Ils ont été publiés d'abord en Amérique. Les récits de la Kalima, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est 6 livres énormes. C'est 6 livres dont petit détail, j'ai pas traduit tous les récits, j'ai traduit 2 livres sur ces 6 livres. Et ces 6 livres pour lui ont une composition très importante. C'est-à-dire, il a choisi l'ordre des récits. Et c'est paru, c'est paru sans aucun contrôle. Sans aucun contrôle de sa part et sans son autorisation. Et c'est comme si vous preniez, une toile de Rembrandt, que vous la découpez en petits morceaux et vous montrez des petits bouts. Donc, pour lui, c'était, d'autant plus que ça a été publié à l'étranger, après l'histoire Pasternak. C'est-à-dire, on a exigé de lui une lettre dans laquelle il reniait cette publication à l'étranger. Donc, il a fait paraître dans la Gazette littéraire en 72 une lettre dans laquelle il dit que cette publication s'est faite sans son autorisation et que de toute façon, les choses ne se passaient plus comme ça maintenant. On lui a beaucoup reproché cette lettre parce qu'en fait, il a en quelque sorte renié les récits de la Kalima, mais il les a reniés parce qu'ils étaient parus aussi d'une mauvaise manière. Deuxièmement, il était déjà âgé, malade. Puis il tenait tellement à faire publier ses poèmes. Je pense qu'il a pensé aussi que, en écrivant cette lettre, et peut-être qu'il arriverait à faire publier les poèmes. Alors c'est vrai que la composition de ces récits de la Kalima, c'est très important pour Chalamov. Il faut dire à ceux qui ne connaîtraient pas ce texte que ce sont des séquences. Et ces séquences qui sont des moments où, presque des petites nouvelles. En fait, c'est comme une mosaïque ou un kaléidoscope. C'est absolument pas une histoire comme fait Solzhenitsyn. C'est pas du tout classique comme façon. Il a essayé de trouver une forme pour raconter. Et on peut pas raconter. Enfin, lui, il ne pouvait pas raconter de manière ni chronologique ni qui se tient. C'est uniquement des flashs qui éclairent certaines scènes, certains personnages qui sont sortis de leur contexte, que de toute façon un être humain là-bas n'a plus ni passé ni avenir ni avenir, il a juste l'instant présent. Oui, c'est une fragmentation qui semble montrer aussi la fragmentation de l'identité de Chalamov lui-même. Donc il a essayé, du point de vue littéraire, d'exprimer de façon littéraire ce qu'il avait ressenti, quoi, ce qu'on ressent. En 1979, Chalamov entre dans une maison de santé. Il dicte ses derniers vers à un de ses amis poètes. Et en 1982, donc 3 ans plus tard, il est transféré contre son gré dans un hôpital psychiatrique où il va mourir quelques jours plus tard, le 17 janvier. On pourrait dire, pour conclure, Sophie Benesch, que si Rimbaud a écrit Une saison en enfer, Chalamov a lui écrit Une vie en enfer. Il n'y a aucun moment où sa vie semble s'éclairer. Bon, je pense qu'il a eu des moments aussi. Il y a eu des moments où il était plus heureux. Mais c'est vrai que la fin de sa vie est vraiment terrible. Et parce qu'il a été transféré en plein hiver, pas donc dans cet hôpital psychiatrique. Il est mort quelques jours après parce qu'il avait pris froid en plus. Et effectivement, je pense qu'il avait apparemment perdu la tête. Et vous-même qui avez donc traduit beaucoup Chalamov, ça doit être une expérience tout de même assez difficile, une expérience d'endurance particulière. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire en quoi ? Ah, très. Bah, d'abord, quand on traduit ça. Traduit Chalamov, on vit avec lui. Donc, bon, je ne suis pas la seule, hein, mais donc on en rêve la nuit. Et puis, son style est tellement dépouillé aussi que ça vous apprend un certain dépouillement. Merci beaucoup, Sophie Benesch. Les récits de la Colima que vous avez donc en partie traduits sont disponibles chez Verdier. Depuis 2013, cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, on parle de l'œuvre de Chalamov dans ce qu'elle a de poétique. Ce sera avec Claude Mouchard, mais pour l'heure, on retrouve les lectures de quelques poétesses choisies par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième jour, un peu de poésie. Oui, mais elle a ses hauts et ses bas, c'est comme l'utopie. C'est lendemain qui déchante, pas de problème. Poème de fête, c'est un excellent poème. Un peu café serré, pas de problème est un poème de Diane Di Prima après le superbe J'ai mes règles qu'on trouve à la page 64 de Beat Attitude publié chez Bruno Doucet. Premier verre cassé sur le patio, pas de problème. Crème aigre pour légumes oubliée, pas de problème. Mâchoire inférieure serrée de Lewis McAdam, pas de problème. Flic arrivant pour voir la danseuse du ventre, pas de problème. Sac plastique de glace fondue, pas de problème. Vin sur la nappe ancienne, pas de problème. Sono qui grésille, pas de problème. Chien du voisin, pas de problème. Intervieweur de Barclay Barnes, pas de problème. Plus de bière, pas de problème. Pas assez de dope, pas de problème. Regard tort, Van Aropa, pas de problème. Mégot sur les hôtels, pas de problème. Marilyn qui vomit dans le pot de fleurs, pas de problème. Pénombre, pas de problème. Arnica répandue sur le tapis de nylon, pas de problème. Cendre dans un bol d'os blanchi et baie de genièvre, pas de problème. Cassette perdue de Satie, pas de problème. Perdre son sang-froid, pas de problème. Arrogance, pas de problème. Casier de canettes de bière et bouteilles de vin vide, pas de problème. Milliers de gobelets en polystyrène, pas de problème. Grégory Corso, pas de problème. Allen Ginsberg, pas de problème. Diane Di Prima, pas de problème. Les veines d'Anne Wolban, pas de problème. L'anniversaire de Dick Gallup, pas de problème. Le Peyolt et le rhum de John Keeger, pas de problème. Vin, pas de problème. Coca-Cola, pas de problème. Fricoter dans le gazon mouillé, pas de problème. Être à court de papier toilette, pas de problème. Paranoïa, pas de problème. Claustrophobie, pas de problème. Grandir dans les rues de Brooklyn, pas de problème. Grandir au Tibet, pas de problème. Grandir à Chicano, Texas, pas de problème. Faire la danse du ventre, c'est sûr, pas de problème. Tout comprendre, pas de problème. Tout laisser tomber, pas de problème. Tout donner, pas de problème. Dévorer tout ce qui se passe, pas de problème. Quoi d'autre dans le réfrigérateur d'Hélène? Quoi d'autre dans le placard d'Anne? Que sais-tu que tu ne m'es pas encore raconté? Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Rester un jour de plus, pas de problème. Se casser de la ville, pas de problème. Dire la vérité, presque pas de problème. Facile de rester éveillé. Facile d'aller se coucher, facile de chanter le blues, facile de chanter les sutras, c'est quoi tout ce tracas? Ça pourrit, pas de problème, on le met en carton, pas de problème, on l'avale avec de l'eau, on l'enferme dans le coffre, on prend vite la fuite, pas de problème! Merci Jacques Bonafé et à demain.